Toujours sur Radio Dio et sur Radio Ondaine, 89.5, 99 sur Saint-Etienne et Firmini. Je me permets la transition avec le titre de dubbing que l'on vient d'entendre à l'instant, qui évoque l'Algérie, qui évoque Saint-Etienne bien entendu. D'abord, actualité les concernant, c'est qu'il y a une sortie discographique prévue à la fin de ce mois, ce sera la semaine prochaine. Et puis il évoque l'Algérie et ça aussi m'évoque bien entendu le, on va dire le passé migratoire de la ville et son industrie locale et cette main d'œuvre qui nous est aussi beaucoup venue d'Afrique du Nord et pour travailler la mine notamment. Et précisément, c'est un peu ce dont il va être question dans ce dernier sujet de cette première journée de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Nous sommes samedi 22 novembre, ouvert depuis ce matin 10h, en direct sur nos ondes jusqu'à 19h. Et c'est le dernier temps de rencontre table ronde où nous allons évoquer précisément la mine indirectement, en tout cas ce qu'il en reste de visible aujourd'hui, des déchets miniers. Il s'agit de ce que l'on nomme ici les crassiers, que l'on nomme par ailleurs des terrils parfois en d'autres villes ou d'autres endroits. Voisins, voisines des crassiers, pour parler de ce projet qui, comme ça, vous laisse peut-être dans le mystère, mais on va tenter de vous éclairer sur cette question. On reçoit deux invités. Thomas Goumar qui est avec nous. Bonjour Thomas, il faut vous emparer du micro pour être audible en radio. Oui, oui, bonjour à tous. Et bonjour et bienvenue sur nos ondes. Merci. Et à tes côtés, Adriano Duarte. Bonjour, bonjour Adriano. Bonjour, merci pour l'invite. Eh bien, bienvenue à vous. C'est avec grand plaisir que d'évoquer ce projet qui tout de suite a titillé notre intérêt et curiosité. Alors vous êtes tous deux, pour aller un peu vite, un peu artiste, vidéaste, étudiant des beaux-arts pour Thomas, École supérieure d'art et design de Saint-Etienne. Adriano, paysagiste, concepteur. Tu es, toi, diplômé de l'École nationale d'architecture, non pas de Saint-Etienne, mais de Versailles. De paysage, pas d'architecture. D'architecture, de paysage. On n'est parfois pas très loin. Mais alors, j'ai une petite coquille dans ma petite présentation, en tout cas dans ton bagage. et tous deux, vous menez ce projet, voisins, voisines des crassiers. Alors, sur le sentier des crassiers, c'est l'intitulé même de ce projet qui est un peu à la fois enquête, recherche. Alors justement, on va développer tout cela ensemble, tenter de nous éclairer, expliquer ce dont il est véritablement question. Tout cela ponctué, et vous avez assuré ce travail audio aussi, de petites propositions sonores qu'on va retrouver aussi durant cette rencontre table ronde. Alors Thomas et Adriano, genèse de ce projet, le sentier des crassiers, de quoi s'agit-il? En fait, le projet à la base, c'était de se dire qu'il n'y a pas seulement le crassier conique, monument du musée de la mine que tout le monde connaît et tout, mais qu'en fait, il y a une diversité de formes, de crassiers, de témoins restants qui sont mis de côté parce qu'il y a une centralité mémorielle, musée de la mine, etc. Et en fait, l'idée avec Adriano, c'était de, en fait, d'élargir le concept de crassier, d'élargir de la visibilité du crassier en repérant des nouveaux crassiers. Donc l'idée, donc la première étape, ça a été de les repérer jusqu'à Firmini. Les recenser. Et donc on s'est promené plusieurs jours en recherche des crassiers. Et en même temps, c'était une occasion donc de se relier avec ce passé minier qui peut être lourd, mais de faire un déplacement comme ça, de se dire ok, le crassier peut être l'occasion de rentrer en contact avec des anciens mineurs, des habitants, mais aussi de valoriser ce patrimoine minier militant qui, d'un point de vue non officiel, parce que en fait, le crassier pour nous, c'est des monuments ouvriers involontaires qui sont restants. Et donc c'est une manière de résister à la table rase du post-mine. Mais vous, qu'est-ce qui vous a intéressé pour, comme ça, certes, ce paysage-là que l'on connaît, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous emparer de ces paysages, de ces déchets et vestiges, quoi, finalement, d'une activité passée, et surtout pour en dire et en faire quoi? C'est quoi votre objet et objectif? Bah, en fait, en se promenant sur le territoire, on s'est rendu compte que il y avait des espaces, on pourrait croire que c'était des collines naturelles, la topographie naturelle de Saint-Etienne, mais en s'en rapprochant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement artificiel, que c'est des tas de roches extraites du sous-sol qui ont été posées là et qui aujourd'hui font partie de la topographie on dirait naturel. Et en fait, ça nous a un peu intrigué, ça. Ça nous a intrigué sur la question de la transformation des paysages. Et du coup, on a été chercher comment est-ce que étaient les paysages de Saint-Étienne à l'époque extractiviste le plus, quoi. Et en fait, on a trouvé sur Internet, avec des campagnes de photos aériennes qui ont été prises depuis 1930, plein de données du territoire de la France. Et à partir de tous ces échantillons-là, on a recréé des cartes qu'on appelle composites de tout le territoire de Saint-Étienne, enfin de la métropole stéphanoise. Et à partir de ces cartes qu'on a créées, en fait, on a essayé de chercher les creux, les pleins, les endroits où il y a des mines. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait presque 156 mines juste dans la plaine stéphanoise. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien. Et ce projet, il est aussi né parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a une grosse politique urbaine de la tabula rasa, enfin de le fait de la table rase, d'effacer ce qu'il y a, mais ce qui est aussi intimement lié à l'histoire de Saint-Étienne et à cette désindustrialisation, etc. Et nous, en fait, on a essayé d'aller chercher, à partir des cartes historiques, d'aller chercher les traces qui pouvaient rester dans le paysage, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et voilà. Alors, vous évoquiez 150, en gros, mines, sites miniers. Ouais. En termes de crassiers que vous avez donc cartographiés, vous avez recensé combien de ces terrils dans la métropole ? Bah déjà, parce qu'on on en connaît souvent, on connaît la mamelle stéphanoise qui est l'assez évidente repérage, mais il n'y a pas que celle-ci à Saint-Étienne. Bah déjà, il y a les. En fait, on a. Pour un chiffre, c'est un peu compliqué, okay. Mais il y a plus d'une vingtaine d'espaces qu'on a trouvés, et c'est un petit chiffre par rapport à ce qu'on a pu trouver. Mais ça nous a surtout amené à différencier différents types de crassiers. Donc il y a les crassiers qui sont coniques, qui sont devenus iconiques parce qu'on les repère assez facilement. Mais on a aussi d'autres catégories de crassiers qu'on a nommées. Donc il y a les crassiers non revendiqués comme tels, qu'on met dans la catégorie des crassiers communs. Donc souvent, ils sont tout, tout petits, recouverts par de la végétation. On pourrait croire que c'est des talus. Mais en fait, non. N'hésite pas à les citer, d'ailleurs, ou les situer. Bah, il y en a, par exemple, entre Saint-Genès-l'Herpe et Roche-la-Molière. Ouais. Pense à la Talaudière aussi, peut-être qu'il y en a. À la Talaudière, il y a pas mal de choses à côté du crassier du Fay. Au nord de la Roche-la-Molière aussi, on a des petits vestiges. Voilà. Et puis il y a les crassiers contemporains, qui sont en fait les nouveaux crassiers d'aujourd'hui. Par exemple, à Roche-la-Molière, le centre d'enfouissement d'ordures ménagères, bah, en fait, pour nous, c'est un crassier parce que c'est des déchets, c'est nos déchets qu'on enfouit et ça crée des nouvelles collines. Ça continue. En fait, c'était vraiment le point de départ du projet à Cadriano, c'était pas de faire un toxic tour comme certains écolos aiment le faire, etc. Enfin, c'est de montrer en fait aux habitants qu'ils vivent sur des ruines, sur de la pollution et tout. Nous, c'était pas notre position. C'était ni la position patrimoniale, c'est-à-dire de dire ok, c'est du passé, les mines, c'est fini. Maintenant, on est dans le paysage post-mine, c'est que du vert, c'est-à-dire c'est des montagnes de vert et tout. En fait, nous, l'idée, c'est de faire un sentier enquête et donc de questionner. Le paysage aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'on a étendu le concept de crassier aussi en fait au centre d'enfouissement, parce que c'est les nouveaux crassiers. Et aussi, il y a la dernière catégorie, c'est les crassiers fantômes. Ça, c'est tous les espaces via les cartes composites qu'on a recréées, où on s'est rendu compte qu'il y a eu une forte activité d'extraction, mais qui ont été complètement recouvertes par le plus souvent des complexes sportifs ou des zones industrielles, comme à la Ricamari. Le grand supermarché qui est aujourd'hui un carrefour, bah ça, il y a une dizaine de puits sur ce quartier de la Bérodière. Et Mont-Rambert, j'ai plus trop les noms, il y a beaucoup de noms. Oui. Et Mont-Rambert. Et du coup, donc là, on a énuméré les typologies qu'on a déterminées, enfin, nommées, quoi. Et en fait, du coup, il y avait l'idée de relier les crassiers entre eux, de décentraliser les sites de mémoire du territoire métropolitain. Et. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et de créer une boucle d'acteurs, parce que c'est pas tout de faire un sentier de randonnée, mais il faut l'activer, il faut amener des gens sur le sentier, il faut faire parler les gens sur ce passé, sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous, à chaque fois, quand on a créé cette boucle de crassiers, c'était aussi de faire une boucle d'acteurs, d'habitants, de militants, d'écolos, d'historiens et tout, pour pouvoir vraiment commenter ce paysage, quoi. C'est pas genre une esthétisation du paysage, quoi. Oui. Alors, votre objectif pour être clair, c'est de créer un sentier. Bah justement, en fait, le sentier, c'est un prétexte. Okay. Le point de départ, c'est relier les crassiers. L'objectif était de créer un sentier qui est un prétexte, mais à relier les gens entre eux, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a... Faire du lien. Exactement. Et de créer une boucle d'acteurs... Social et humain, au-delà du matériel ou immatériel. Exactement. Ouais, parce qu'il y a des artistes qui travaillent là-dessus, des gens plutôt du milieu universitaire qui travaillent là-dessus, des habitants qui ont un rapport, un lien d'attachement à ces espaces. Et nous, notre intention, c'est quand même de croiser les regards, de réunir des gens autour de ces sujets-là. Et en fait, ce projet, il prend appui sur le passé. Il permet d'observer aujourd'hui comment sont devenus ces espaces. Mais c'est aussi un moyen, en fait, de parler du futur, du devenir de ces lieux que nous, on considère aussi comme des atouts parce qu'ils déjà, ils sont symboliques. Mais parce que aussi, c'est des tas de déchets qui ont été mis de côté. Ils ont été accaparés par la végétation. Ça devient des lieux d'habitat pour les animaux, les insectes, etc. Et du coup, nous, on les voit vraiment comme des ressources, en fait, pour la ville. Sauf que ça rime pas trop avec l'idée de patrimonialisation, du passé, etc. Et on souhaite ouvrir les regards. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est faire les deux à la fois. Parce que concrètement, en fait, on fait une balade commentée. On invite un botaniste. Il nous dit qu'est-ce qu'il y a sur le crassé, en quoi c'est une réserve de biodiversité et tout. Et juste après, t'as un ancien mineur syndicaliste CGT qui va dire en quoi le crassé, pour lui, c'est un monument, c'est une montagne de sueur, etc. Et voilà, c'est de faire les deux qui rentrent en connexion pour ne pas oublier l'un et ni oublier l'autre, quoi. Vous parlez de démarches pas forcément patrimoniales, mais ceci dit, vous vous appuyez sur ce qui fait patrimoine quand même. C'est-à-dire que, on le disait, ce n'est pas un patrimoine en tant que tel. Cependant, on parlait des crassiers stéphanois, les mamelles de Saint-Étienne ici à Courriau, à proximité du site Courriau, donc du musée. C'est ici cette mémoire-là et cette activité-là qui est convoquée. Et qui fait patrimoine tout de même. Oui, mais cette mémoire, elle est... Enfin, patrimoine, c'est un outil institutionnel. Et aujourd'hui, tout est centralisé, notamment au musée de la mine. Par exemple, à la Ricamari, il y a le puits des Combes, qui est l'un des seuls puits qui n'est pas détruit. On se demande pourquoi, mais il n'est pas mis en valeur, il n'est pas patrimonialisé comme on peut l'entendre avec la muséification, etc. Mais en fait, des lieux d'héritage, des témoins de cette période-là, il y en a partout. Et pas que matériel. Enfin... Et tu parlais de table rase, mais ceci dit, ce n'est pas entrepris encore chez nous. Enfin, on parlait de Sorbier, la Talo, où on retrouve encore ces crassiers, par exemple, ou la Ricamari, où, en fait, ils sont encore visibles, et il ne s'agit pas de les... Les crassiers. Oui. Ouais, mais ils sont menacés aussi, parce que, par exemple, à la Ricamari, il y a le crassier Saint-Pierre qui a été exploité, et là, maintenant, on a des coupes de la moitié du crassier. Nous, ça nous permet de l'observer de l'intérieur. Ça nous permet un point de vue un peu spécial. On a invité un géologue qui nous a décrit l'autocombustion du crassier. Mais c'était juste pour rappeler que oui, les crassiers sont menacés par cette table rase. Parce que, par exemple, là, le crassier d'Ica, là, juste à côté d'Ica, oui. Il appartient à une société privée. Il s'appelle Arnaud Démolition. Et en fait, pourquoi... Le crassier du fait. Ah, c'est le crassier du fait. Oui, voilà, c'est le crassier du fait. Qui est privatisé. Oui, qui est privatisé. Ouais. Mais le crassier d'Ica aussi, il est privé. Il n'appartient pas, en fait, à la ville. Et en fait, donc en fait, ils sont menacés, quoi. Ils appartiennent pas. Ouais. Est-ce que tous deux, vous êtes stéphanois ? Eh ben, non. Non. Non. C'était pour savoir aussi quel avait été votre intérêt pour le. Mais je pense justement aussi pour la lecture de ces paysages, de ce qui vous a intrigué là-dedans. Mais je pense qu'on est arrivé avec un regard fabulé. Peut-être un peu romantique, mais on a très vite essayé de se détacher de ce regard pour et c'est de là d'où vient aussi le terme enquête. Enfin, c'est qu'on n'est pas là pour venir donner notre avis personnel, notre regard sur ces espaces-là. C'est bien d'ailleurs pour ça aussi que voisins voisines des crassiers. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'entendre des gens parler de leur rapport à ces espaces-là et pas de faire nous. Juste un monologue. Rejoint l'idée de relier les gens. Tout à fait. Alors Adriano, justement, on va écouter une première proposition. Juste avant, puisqu'on évoque un peu ce croisement un peu interdisciplinaire, je dirais, puisque vous venez tous deux, alors entre architecture, beaux-arts, d'enquête, de recherche, donc on peut penser aussi aux sciences sociales et autres, voire historiques. J'aimerais quand on parle d'enquête et de recherche, on parle de méthode aussi. Donc j'aimerais juste que vous donniez un petit mot aussi, puisque c'est votre manière d'aborder aussi finalement ce travail. De quelle façon vous avez procédé ou vous procédez ? Comme l'a dit Adriano, on a d'abord donc fait des cartes composites Donc ces cartes de campagne IGN, argentique, etc. Ensuite, la seconde étape, on est allé sur le terrain pour vérifier où ils étaient, ces crassiers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ces paysages, qui habite à côté, etc. Et ensuite, on a donc diffusé ce sentier des crassiers, on a dessiné la carte. Donc c'est à partir de chemins existants, on a tout fait sur des chemins existants, et on les relie entre eux parce qu'ils sont tous interdits d'accès. Donc l'idée, c'est de faire tout ça de manière autogérée. Et ensuite, le plus dur aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on doit en fait animer ce sentier avec des balades commentées. On doit vraiment amener les personnes sur le sentier parce que c'est ça qu'il faut faire. Quoi. C'est le but. Ouais, c'est le but. Alors, approche historique avec une première intervention que l'on va écouter. Alors, ça, j'espère que le confort audio va être correct. On va diffuser Christelle Morel-Journel, un entretien que vous avez réalisé auprès de... Alors, qui est géographe urbaine, en fait. Hein, pardon, on dirait non. Géographe social. Géographe social. Ouais. Qu'on va écouter pour cette approche historique, donc un entretien que vous avez réalisé. Donc, je suis Christelle Morel-Journel, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Saint-Étienne depuis 2003. Mes travaux de recherche sur les processus d'urbanisation et en lien avec l'industrialisation et avec des terrains qui ont été à étranger aux États-Unis dans la région de Pittsburgh et puis qui sont beaucoup en région stéphanoise. J'ai pour avancer vers la rencontre avec les crassiers, si je puis dire ça comme ça, donc j'ai fait ma thèse sur la territorialisation de l'exploitation minière en région stéphanoise, donc un travail que j'ai conduit en gros entre 1992 et 1999. Effectivement, les crassiers, je les ai rencontrés. J'ai parcouru à l'époque ces secteurs de la ville, je pense à l'ouest minier, hein, très, très marqué par l'exploitation et donc par ces formes d'émergence. Et c'est vrai que dans ma thèse, je ne les ai considérés, je vais dire ça comme ça, que dans ma dernière partie qui concernait vraiment les héritages de l'exploitation minière. Voilà. Donc, en gros, si j'y vais vite, comme en prenant pour argent comptant un peu cette définition qui était donnée dans ce contexte-là, hein, comme des déchets de l'exploitation minière, des résidus, voilà, hérité d'un moment du système productif où on ne remblait plus les galeries, petit 1, et puis petit 2, comme les déchets du lavage du charbon, etc. etc. Voilà, d'un objet que j'interrogeais plus trop, si ce n'est que j'ai voulu y emmener mes enfants pour voir la ville de haut, j'ai voulu leur faire toucher cette matière singulière quand même. Donc, du coup, cette espèce de redécouverte avec vous, hein, je vais dire ça comme ça, c'est quelque chose qui a quasiment relancé mon intérêt pour la manière dont la mine, pour le dire avec cette singularité que j'aime pas trop, mais il y a aussi quantité à penser derrière cette réification et cette forme de dépolitisation aussi d'un système productif et de ses héritages, mais à me réintéresser aux crassiers, à me réintéresser aussi aux formes d'impact, bien sûr, côté pollution, et aussi de formes d'appropriation discrète de ces héritages, je pense à quantité d'objets qui sont rentrés dans le quotidien de certains jardins, en étant aussi frappée par la manière dont la mine avait été considérée, pas pendant longtemps, mais quand même fortement, peut-être pendant une dizaine, douzaine d'années, comme fermée dans le bassin stéphanois. L'histoire était close d'une certaine manière. Voilà, Christelle Morel-Journel, pour extrait là, de cet entretien que vous avez réalisé, pour un angle, hein, finalement, d'un récit possible. Peut-être partagez-nous cette rencontre, l'intérêt pour vous d'une rencontre auprès de Christelle Morel-Journel. Comment aussi vous sélectionnez finalement ces éventuelles personnes ressources, justement, pour venir alimenter aussi, nourrir votre projet? Christelle, c'est une personne qui est assez importante pour nous dans le projet, qui est un gros appui. parce que, comme vous avez pu l'entendre, elle a travaillé sur comment est-ce que toute cette période extractiviste a influencé l'aménagement du territoire. Et du coup, en fait, elle connaît pas mal l'histoire des mines, notamment des concessions et de toutes les politiques urbaines qu'il y a pu avoir sur le territoire. Et jusqu'à maintenant, elle a déjà eu l'occasion d'écrire un article pour nous que vous pouvez trouver sur le site internet du Sentier des Crassiers. Et elle nous a aussi accompagnés lors de nos balades commentées. On a fait une première qui partait de Côte-Chaude et qui finissait jusqu'à la Montagne de Feu sur le Mont Salson, au pied des Crassiers jumeaux. Et on a fait une autre balade plutôt du côté de la Ricamarie, qui commençait au niveau du Carrefour et qui finissait au musée de la CGT des anciens mineurs de la Ricamarie. Et en fait, à chaque fois, on invite des gens à prendre la parole, et Christelle a toujours été là pour apporter en fait un regard historique sur les lieux où on est. On ne va pas nous parler de... Voilà. Oui, elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là, hein, même au-delà de Saint-Étienne, sur, je pense à la vallée du Gier notamment, par exemple, sur ce qui reste aussi de ces traces, et notamment sur ces friches d'anciennes usines industries qui ont été aussi des lieux d'expérience, notamment culturelle et artistique, en tout cas de nouveaux espaces d'expression aussi. Et ce qui m'a interrogé, parce qu'on va entendre deux autres extraits aussi et de témoignages, c'est l'approche artistique, puisqu'on parle aussi d'espaces d'expression possibles et précieux. Vous qui venez quand même un petit peu de ce monde-là, Saint-Étienne a été aussi source d'inspiration artistique concernant notamment les Crassiers, qui n'a jamais été concrétisé, il me semble, véritablement, mais en tout cas qui a vraiment nourri aussi la ville à un moment donné. Qui a été présent, je ne sais pas, sur des visuels, je pense à certains festivals par exemple. Bon, ça c'est un repère et une forme d'identification certes, mais vraiment avec des projets aussi artistiques, comme il y en a eu dans le Nord d'ailleurs, avec des projections sur les terrils, on va dire en création sonore et visuelle, qui n'a jamais été véritablement menée à Saint-Étienne, mais qui pourrait l'être prochainement. Mais en tout cas, vous ne vous êtes pas emparé de cet angle-là, quoi. Bah en fait. Nous, on s'est emparé de cet angle-là plus d'un point de vue identité territoriale alternative, dans le sens où on sait que le Crassier, il est récupéré plus par des organisations militantes, associatives, et pas par l'institution ou les politiques de branding territorial, design et tout. Ça nous intéresse parce que, en fait, c'est pas pour rien que le Crassier, il est délaissé par ces politiques-là, parce que, en fait, à Saint-Étienne, Perdriau, il veut plus valoriser le design, l'innovation, il veut lisser l'histoire de Saint-Étienne. Et en fait, à Saint-Étienne, il y a une culture populaire, il y a une culture associative qui est très forte, qui essaie de faire une continuité de ces luttes, de ce passé ouvrier. Et nous, on sait. Alors, c'est les politiques en général. Voilà. Perdriau, c'est deux mandats ici. Je veux dire, les politiques en la matière, elles ne datent pas que de ces derniers mandats. Je veux dire, c'est fermeture des puits début des années 80. Ouais. Hein, donc, je veux dire, c'est depuis que. Ouais, c'est un branding territorial qui continue et qui persiste pour recouvrir l'image. Quoi. Et donc, nous, on se rattache plus dans ce sens-là. Quoi. Mais en fait, aussi, ce qui est intéressant sur les Crassiers, c'est qu'il y a des messages qui sont accrochés au-dessus et qui sont des messages. Militant à chaque fois. Et à chaque fois, la même esthétique, lettre blanche sur le fond de Crassier. Ouais. Alors, on va écouter un témoignage en ce sens. Moi, je fais toujours le lien à Saint-Étienne entre cette activité souterraine, minière, forcément. Et vous parlez de faire du lien, parce que c'est la partie visible. Mais la partie invisible, elle l'est aussi. Le lien est là, parce que ce sont des centaines de kilomètres de galeries qui, comme ça, constituent notre territoire aussi, hein, je veux dire, en souterrain. Et tous ces sites sont aussi, c'est un véritable gruyère, hein, sous Saint-Étienne et la métropole. Mais aussi, je fais souvent le parallèle aussi avec l'activité souterraine, ou plutôt indépendante de Saint-Étienne, et notamment militante, mais qui parfois ressort effectivement et s'affiche sur les Crassiers, ce qui arrive fréquemment, malgré les, je pense, interdictions. Puisque tu l'évoquais un peu tout à l'heure. Ouais, c'est très souterrain, parce que chaque message, par exemple, il est anonyme. Il n'est jamais signé. C'est ça qui est intéressant. Il n'est jamais signé par une organisation et tout. Et c'est vrai que c'est des actions comme du graffiti, en fait, mais sur Crassier, quoi. Alors, on va écouter un témoignage. Vous allez l'entendre, et je pense qu'il va se présenter, d'ailleurs, sur cet aspect-là davantage militant des choses. Les gens m'appellent Petit Poney. J'habite sur la montagne de feu, juste en dessous du Crécy de Michon. Et je suis étudiant en biologie et je milite pas mal pour différentes causes perdues. Tu milites pour quoi? Eh bien, aujourd'hui, j'ai tenu un stand pour les contraceptions testiculaires à la fac. J'ai milité un peu pour la CNT. Et on a bossé sur une brochure pour expliquer les droits des travailleurs détachés dans l'agriculture. Je suis arrivé à Saint-Étienne en 2006, la première fois, pour venir écouter du punk rock. Mais j'y ai habité la première fois en 2010. Je suis reparti et je suis revenu en 2019. Et après, je suis reparti et je suis revenu. Mais pendant plein d'années, Saint-Étienne, c'était ma ville de vacances. Quand j'habite à Saint-Étienne, j'ai un peu l'impression d'habiter sur mon lieu de vacances, c'est super. Depuis que je traîne à Saint-Étienne, j'ai toujours bien aimé monter sur les Crassiers. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour regarder la ville depuis là-haut. Et à un moment donné, j'ai voulu planter de la vigne aussi sur les Crassiers, comme ils ont fait dans le Schnorr. Mais la mairie m'a dit non. Alors, comme ça appartient à la mairie, ça ne se fera pas maintenant, en tout cas. Et pourquoi ils t'ont dit non? Parce que c'est dangereux. Mais bon, c'est pas que. Je pense que c'est essentiellement parce que j'ai pas fait les choses comme il fallait avec un dossier de porteur de projet en bonne et due forme et tout ça. J'ai juste posé la question. Mais j'avais un peu la flemme d'aller chez le Culpadrio pour faire ça. Ouais, je comprends. J'ai habité quelques années rue Beaubrun avec des fenêtres qui donnaient sur le. Il y avait la vue sur les Crassiers. Je les voyais tous les jours. J'étais là, mais j'ai envie d'y mettre. Enfin, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire pour rapprocher mon travail de là où j'habitais. Mmh. J'étais là, mais c'est super, on n'a qu'à la mettre de la vigne là et puis ce sera parfait. Mmh. Ce qui m'a donné l'idée, c'est vraiment de voir qu'il l'avait fait dans le Schnorr, quoi. De moi-même, j'aurais pas pensé mettre de la vigne là. Et du coup, si tu voyais les Crassiers depuis ta fenêtre et tout, est-ce que tu as observé des messages Ah bah ouais, plein. On a eu plein, ouais. Bah il y avait des, il y a eu ACAB, il y a eu Premier Mai en lutte, il y a eu Maglutte à un moment, ça c'était drôle. La glutte en stéphanois, dans certains cercles stéphanois c'est la bière. Il y a eu un cœur, il y a eu un Nick là-bas qui me semble à un moment, qui a disparu assez vite. Comment toi tu présentes le Crassier aux nouvelles arrivantes? Bah c'est un symbole aussi, c'est quand même un gros symbole de Saint-Étienne, presque autant que le puits de mine de Courriot, quoi. Et du coup c'est aussi un endroit où on n'a pas le droit d'aller, mais on y va quand même. Puis ça, le point de vue est incroyable de là-haut. Et cette espèce de truc un peu complètement lunaire où il y a rien qui pousse, ça met une ambiance. Qu'est-ce que ça fait d'être voisin d'un Crassier? Ça fait plusieurs choses. Ça fait que déjà, ils nous coupent le vent. Ça, c'est super. C'est les Crassiers qui nous mettent à l'abri du vent. Ils font qu'on a ce sol de résidus de mine dans le jardin. Plutôt, on fait pas de potager, mais peut-être on pourrait. On sait pas trop. Et puis, ça fait une réserve de biodiversité de ouf. Enfin, j'ai l'impression d'habiter à l'endroit où il y a le plus de biodiversité à Saint-Étienne. C'est quand même trop bien. Pour un biologiste, pour un étudiant en biologie, c'est quand même confortable. On a un couple de Milan Royal qui habite dans le coin, là. Enfin, en tout cas, qu'on voit souvent. On a plein de bêtes, quoi. Il y a beaucoup de bêtes qu'on entend, qu'on voit pas. Il y a beaucoup d'oiseaux. On a des tonnes d'oiseaux dans le jardin. C'est un truc de fou. Et en fait, le jardin, il est quasiment connecté avec la friche du Crassier, quoi. Du coup, toi, tu considères presque le Crassier comme une réserve, enfin, comme une richesse écologique et une biodiversité. Ah ouais, ouf. C'est assez préservé du fait que l'accès est interdit. Du coup, il y a quand même beaucoup de passages, mais finalement pas tant que ça. Et en tout cas, il y a peu d'activité humaine. Moi, ça m'a fait hésiter avec mon projet de viticulture. Quelque part, je suis un peu content qu'on m'ait dit non. Comme ça, ça préserve quand même cet endroit tel qu'il est, quoi. Même s'il n'est pas du tout naturel, puisque, à ma connaissance, une bonne partie de ce qui est dessus, ça a été planté à un moment. Pourquoi, selon toi, tu penses que les Crassiers sont pas encore, je dis encore parce que ça peut l'être plus tard, mais utilisé par la municipalité comme atout touristique ou comme atout territorial, tu sais, genre identité territoriale et tout? Parce que moi j'ai l'impression que la mairie institutionnelle, elle est pas complètement à l'aise avec son passé ouvrier. Enfin, en tout cas, elle a envie de changer cette image de Saint-Étienne. Elle veut faire la capitale du design, elle veut pas faire la capitale de l'industrie abandonnée. Et que plutôt dans des trucs militants, nous on aime bien notre passé ouvrier, quoi. Je pense que c'est ça. C'est quand même pas hyper design, Crassier. Non, j'aurais peur que ça le devienne design. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient arriver à faire ça. Oui, est-ce que c'est design, Crassier? Chers étudiants du design, de l'architecture et du paysage. Bah dans l'art, il y a une branche qui s'appelle l'art naïf. Là, c'est pas de l'art naïf, mais c'est un monument involontaire comme... J'ai cru que t'allais dire l'arnaque. Non. L'art naïf, bah comme, enfin c'est, je crois que c'est facteur cheval, c'est un emblème de l'art naïf. Mais là, comme je disais, Thomas en parle comme un des monuments involontaires. Et en vrai, c'est assez beau. Enfin, faut s'imaginer qu'en 10 ans, les Crassier jumeaux, ils sont apparus, quoi. Avant ça, ils ont fait des découvertes, ils ont creusé dans la terre, ils ont fait un trou, ils ont recouvert ce trou de tout ce qu'ils ont extrait de sous-sol. Enfin, c'est. Ouais, bah genre, en fait, on avait retrouvé un poème d'une clapeuse, donc c'était les ouvrières de la mine qui triaient le charbon. Et dans son poème, elle disait que c'était sa montagne à elle, quoi. C'était le fruit de son travail. Et en fait, quand on dit que c'est un monument ouvrier involontaire, bah ouais, en fait, c'est ce qui reste. En fait, c'est ce qui n'a pas été contrôlé par. Enfin, en fait, c'est ça. Ça peut être une montagne de sueur, quoi, qui peut être considérée en tant que monument. Et on en a parlé avec André Varenne, l'ancien mineur CGT, Larry Camari. Il est d'accord avec nous. Enfin, et aussi à Charleroi, parce que là, on s'est connecté avec le comité de défense des terrils de Charleroi. Et c'était les anciens mineurs qui ont lutté contre la disparition des terrils là-bas. On n'a pas eu ça à Saint-Étienne, mais ça prouve aussi qu'il y a un lien d'affiliation comme ça qui continue. Alors là, a été évoqué dans ce témoignage alors l'aspect militant des choses. Alors moi, juste, j'ai repensé à ce que quand même j'ai vu il y a quelques temps de ça, un Ciao Gaël affiché sur un de ces crassiers stéphanois. Je me permets de le dire parce que ça m'a marqué quand même aussi. Des drapeaux palestiniens également qui ont été affichés. Enfin voilà. Donc un espace d'expression possible, on l'a dit. Un espace d'activité renouvelé ou réactualisé ou réinventé. Était évoqué là un possible... une possible activité agricole. Ouais. Donc ça, il y a vraiment eu des activités de viticulture qui se sont développées sur d'autres crassiers en d'autres secteurs. Parce qu'on se dit, effectivement, plus rien ne pousse sur ces espaces-là, à part les bouleaux que l'on voit, ces plantes un peu invasives qui peuvent... Plantes pionnières. Ouais. C'est le début de la forêt, les bouleaux. Du coup, s'ils sont là, si on laisse faire, au bout d'un moment, il y a une forêt, quoi. La nature va reprendre ses droits. Bien sûr. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir. C'est une vidéo de Arnaud Deschmacher, c'est un botaniste. Et ensemble, on a fait une vidéo qui s'appelle « Contre-vie du crassier Couriot ». Et en fait, il fait un inventaire, un herbier en vidéo, quoi, de qu'est-ce qui pousse sur le crassier. Et par exemple, on a de la jonc qui pousse tout au-dessus du crassier, alors qu'on pourrait penser que c'est un espace assez sec et tout. Et le Montpellier, un peu là-haut. Ouais. Ouais, et en fait, il y a de la mousse, il y a beaucoup de fougères. Donc il y a une dynamique forestière qui est en place. Et dans cette vidéo, à la fin, il dit que c'est presque la forêt de demain, quoi, le crassier, parce que toutes ces espèces, elles sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'elles ont trouvé un écosystème qui se développe et tout. Et c'est une forêt qui grandit, quoi. Oui, on le pense en espace un peu mort ou mortifère, alors qu'en fait, le vivant est là. Il l'a témoigné aussi par la faune qui s'y installe. Mais en termes de... Voilà, alors, moi, pour l'activité végétale, ou en tout cas viticulture, je m'interrogeais de me dire, ah oui, il peut pousser des fruits sur un crassier qui, pour nous, semble être de la mauvaise terre et du soufre. Et en fait... Bah, c'est possible. Ça pourrait. Là, faut s'imaginer que, à Charleroi, il y a des crassiers qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, où la végétation est beaucoup plus installée. Là, les crassiers, par exemple, Couriot, ils sont assez jeunes. Ça a été planté pour stabiliser les sols. Mais il faut s'imaginer que les bouleaux, ils vont tomber. Leurs troncs, ils vont nourrir le sol. En fait, il y a un sol qui est en train de se créer. À partir du moment où il y a un sol qui est en train de se créer, on peut tout y planter, quoi. Mmh. Et après, pose la question de est-ce que ça devient des sols où on va produire de l'alimentaire? Ça pose la question aussi du Cred Rock, la friche Néron, où je sais qu'il y avait eu des essais pour tester en fait les produits liés au potager, pour essayer de dire si oui ou non c'est comestible, dangereux ou pas. Mais enfin, ça pose des questions, mais d'autres questions, enfin qui auraient pu déjà être mises en place à Saint-Étienne, mais qui ont toujours été laissées de côté, comme la question des risques, par exemple. Il y a plein de sujets comme ça qui pourraient être avancés. Après, on trouve ça que c'est, enfin, on trouve que c'est quand même important que ça soit aussi indéterminé, ce crassier, que ce soit pas un gros projet, soit de rando, soit de viticulture et tout, que c'est un espace indéterminé, et que c'est parce que il est indéterminé qu'il y a cette richesse, que les gens trouvent refuge, qu'il y en a qui vont faire cette ascension comme ça en une journée. Enfin, c'est nous, ça nous intéresse, la friche, pour ça. En termes de repères, on parle surtout des crassiers stéphanois, en fait, que effectivement sont tentées les personnes d'aller en faire l'ascension, en espace d'expression aussi. Ce qu'on voit peu sur les autres terrils, finalement, de la métropole. Ces deux-là sont assez emblématiques en la matière. Donc il y a déjà aussi un peu une distinction entre ces différents espaces. On les voit depuis beaucoup d'endroits, quoi. C'est pas pour ça qu'ils sont... Et puis presque encore de ville, quoi. Bah oui. C'est pour ça qu'ils sont aussi utilisés comme des supports pour mettre des messages. Enfin, d'exposition. Ouais. Absolument. Le lien est à faire aussi, puisqu'on en parle là dans Tatou Juste, qui est ce rendez-vous de la transition écologique. Donc on l'a évoqué un petit peu là, avec l'aspect faune-flore, etc. Mais expliciter un petit peu ce lien entre écologie, voire transition écologique, votre façon à vous de l'appréhender. Après, moi, de base, je parle pas de transition écologique parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a passé autre chose depuis longtemps. De base, t'es contre ? Non, sur la transition, enfin, il y aura pas de transition, il y aura, je sais pas ce qu'il y aura, mais en tout cas, ce sera pas comme ça. Transition, on dit changement, peut-être, ouais. Simplement. Ou... Mais en fait, nous, on se positionne par rapport. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un sentier écologique, c'est que ça doit pas être seulement la thématique. Du crassier, de le considérer d'un point de vue écologique, mais que ça doit être aussi considéré d'un point de vue internationaliste, j'ai envie de dire. Quels sont les nouveaux crassiers en ce moment qui continuent de s'agrandir? Quelles sont les nouvelles mines d'aujourd'hui, les mines de lithium et tout? Et je pense que ça, c'est un enjeu à travers notre projet, c'est de se connecter en fait avec des espaces, des personnes qui sont en lutte pour parler, pour ne pas parler que du passé, en fait. Et je pense que c'est ça un peu l'enjeu aussi. Les mines de lithium, ça, c'est hyper d'actu. Dans l'Allier, la Stop Mine 03, eux, ils luttent pour pas qu'il y ait des nouveaux crassiers, des mines. Et nous, on est avec eux, quoi. Mais il y a aussi la question des sols. Déplacer des sols pour les mettre où? Des sols pollués pour les mettre chez qui? Mais même au-delà de ça, je pense qu'il y a... Là, tu parles de transition... écologique, mais il y a aussi des transitions de la pensée. Enfin, faut changer des comportements. Et je vais prendre l'exemple de la friche. La friche, on sait tous que c'est quand même un potentiel assez important pour nos villes, parce que ce sont des réserves de diversité du vivant, pour ne pas dire biodiversité. Et les crassiers, c'est clairement des friches. Mais aujourd'hui, les friches, c'est contraignant, parce que faut payer des gens pour entretenir. Pourquoi entretenir? Pourquoi vouloir une pelouse toute rasée alors que du coup, il n'y a pas d'oiseaux, ou je ne sais quoi. Mais... Enfin, du coup, c'est aussi des changements de comportement. Et je pense que notre projet, il amène aussi à questionner ces choses-là, que ce soit la question des sols, de l'extractivisme, des luttes, du rapport qu'on a à un territoire. Et... Ça croise plein de choses. Là, on va écouter un dernier témoignage. Alors, on en aura extrait 3, finalement, hein, un point de vue historique, un point de vue militant. On va aborder là, puisqu'on parle d'écologie, un point de vue peut-être plus davantage ancré un petit peu dans ce champ-là. Ces 3 extraits, mais dans votre travail, est-ce que, d'enquête justement, est-ce que vous avez eu d'autres récits, d'autres témoignages, et qui seraient peut-être de quel ordre, et peut-être qui couvriraient à quel autre champ possible? Ça me permet de dire que pour ceux qui nous écoutent, en vrai, si vous avez des choses à nous raconter, on est ouvert à vous entendre, que ce soit des pratiques productives ou des rapports intimes à ces espaces-là, ou des artistes qui aiment travailler avec ces lieux, à propos de ces lieux. Enfin voilà, on est déjà très ouvert. On va ouvrir le micro déjà après, comme ça on va voir si on a déjà des premiers, mais en tout cas l'appel est lancé en radio. Notamment, il y avait des personnes qu'on voulait aussi interviewer sur, qui sont en lutte contre des ouvertures de carrières, de mines, quoi, dans l'Allier, de se connecter comme ça avec des personnes qui... elles ne veulent pas qu'il y ait des nouveaux crassiers. Et on trouve ça intéressant, ce paradoxe de à la fois considérer les crassiers aujourd'hui comme ça, les considérer, ne pas vouloir qu'ils disparaissent, mais tout en en se mettant en connexion avec ces personnes-là qui veulent plus de crassiers. Mais donc il y avait ces témoignages-là. Et puis aussi, on aurait bien voulu. Enfin, il y avait André Varenne, un ancien mineur. Nous, c'est important que les anciens racontent aussi ce qui s'est passé pour mieux comprendre. Alors, on va écouter ce dernier témoignage, un autre voisin des crassiers. Oh, bah, je me présente, c'est Monsieur Arbouche, Rachid. Donc, j'habite sur la Haïkamari. Je travaille dans l'apiculture depuis à peu près 2015 en tant que semi-professionnel. Avant ça, j'avais des ruches en amateur. Et puis voilà quoi. À ce jour, je possède à peu près 150 ruches que je dispatche autour de la vallée de Londaine. C'est pour ça que ça s'appelle la Miellerie de Londaine, ma petite entreprise. Et donc, vous avez une ruche en bas du crassier Couriot, à côté du musée de la mine. Ouais, en fait, là-bas, c'est un rucher que la mairie de Saint-Étienne met à disposition. Donc, c'est un rucher qui comporte à peu près une vingtaine de ruches. Et sur ce rucher-là, je fais à peu près trois miellées. Donc, je fais une première miellée, un miel de printemps. Voilà. Ensuite, si l'acacia fleurit bien et que le nectar monte bien dans les fleurs, on fait un miel d'acacia. Du moins, je fais un miel d'acacia. Et ensuite, sur le même terrain, je fais du miel de tilleul. Voilà. Après, je transhume les ruches et en général, je les monte en montagne. Soit en montagne, soit sur le sapin. Soit au Bessat, soit à Saint-Genès-Malifaux. Avant, je les ai hivernés là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a trop de frelons asiatiques. Donc, comme on sait, le frelon asiatique qui tue les abeilles. Et donc, je préfère transhumer mes ruches dans un seul et même endroit. Et voilà, parce que plus on a de ruches dans un endroit, moins on a de prédation par rapport aux frelons. Enfin, cette ruche-là, en bas du crassier, vous l'avez mis depuis quand Il y a un moment que je l'ai... pratiquement une dizaine d'années que j'ai ce rucher là-bas. En bas du crassier. Et là-bas, c'est bien parce que c'est en périphérie de la ville. Donc, on a beaucoup de fleurs là-bas. Et on a vu comment le rucher est positionné. Il est positionné sud-est. Donc, les abeilles ont le soleil pratiquement toute la journée, du lever jusqu'au coucher. Elles sont protégées du nord parce qu'elles sont. Il y a les deux crassiers, donc ça me protège mes ruches du nord. Les vents du nord et tout ça, le froid, donc déjà ça c'est excellent. Et c'est vrai que sur les crassiers, on a beaucoup d'arbres, on a beaucoup d'acacia. Et l'acacia, le miel d'acacia, c'est un très bon miel. Surtout sur notre région, là, du côté de Saint-Étienne, on a énormément d'acacia. Moi, j'ai pas choisi ce rucher par hasard. Hein. J'ai vu que c'était qu'il y avait un potentiel mellifère et un potentiel au niveau de l'exposition des ruches. Donc là-bas, franchement, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Ouais, donc en fait, le crassier, il protège du vent. Exactement. Le nord, il est derrière les crassiers. Ouais. Et moi, mes ruches, elles sont de l'autre côté, donc elles sont protégées. Elles sont protégées par les deux crassiers, donc ça, c'est excellent. Ça. Parce que le soleil, il tape directement sur le rucher. Comme je vous dis, elles sont protégées derrière par les deux crassiers, elles sont protégées du nord. Donc ça c'est excellent, ça. Il n'y a pas des ruchers comme ça de partout. Hein. Mais est-ce que vous avez d'autres ruchers à côté de crassiers ou pas? J'avais un rucher qui était pas loin du crassier de la Haïkamari, là. Ouais, le crassier Saint-Pierre. Mais je l'ai plus, ce rucher, en fait, parce qu'il a été racheté par... Le terrain a été racheté par un propriétaire, par un particulier, pardon. Et donc, j'ai été dans l'obligation d'enlever mes ruches. Est-ce que le rucher, il peut être menacé ou est-ce que vous avez des contrats pour... Oui, en fait, j'ai une... comment on appelle ça, là? J'ai une... Ouais, j'ai un contrat avec la mairie, là. Donc, mais là-bas, normalement, on devrait pas perdre le rucher. Parce que déjà, c'est pas une zone constructible. Avant, il y avait des jardins. Donc, ils font plus de jardins. Après, ils ont laissé une naturelle, quoi. Ils ont laissé pousser la végétation et voilà. C'est bien. Mais donc, pour vous, il faudrait laisser des espaces comme ça. Ah oui, bien sûr, il faut laisser des espaces comme ça. Ah ouais, il faut pas tout bétonner, il faut pas. Voilà, il faut pas, comment dire, il faut pas, voilà, il faut laisser un peu des jachères, des cultures, sans qu'elles soient, comment dire, fauchées et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme le crassé, le crassé, il est intact. On peut pas le toucher. C'est ça qui est bien. Où est-ce que vous vendez votre miel après, vous avez des points de vente? Oui, j'ai mon petit point de vente à la Ricamari. J'ai un petit local à la Ricamari. Et je vends, comme ça, à partir du local. Du matin, on peut me trouver là-bas. Mais le mieux, c'est d'appeler avant. Comme ça, au moins, on n'est pas... Voilà, c'était le petit moment promo de l'interview. Intéressant là que ce témoignage, où on découvre aussi, enfin on découvre, on observe le crassier comme espace là précieux de naturel, de verdure, d'abri pour justement une activité. Là, on n'est pas dans la culture du vignoble comme l'intention pouvait l'être auparavant, mais donc dans l'apiculture. Abri, on l'a entendu aussi parce qu'elle permet d'abriter des vents du nord, notamment là pour l'activité, mais aussi finalement pour la ville. Hein, c'est des couloirs aussi qui pourraient nous concerner. Donc, militons presque pour le réensauvagement de ces espaces-là. C'est intéressant cette approche-là, écologique aussi, du coup, naturelle en tout cas du crassier, qui n'est pas on va dire, sa définition première en tout cas. C'est vrai parce que, enfin, moi, la base de pourquoi je me suis intéressé au crassé, c'est que c'était les espaces les plus grands, enfrichés et les moins menacés, proches de Saint-Thé. Et c'était un peu, à partir de ce constat-là, espace en friche, conséquent, non menacé, quelles pratiques il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, c'était un peu le point de départ à la base. Et puis par l'activité là, on le voit qui via l'apiculture, qui du coup témoigne que il y a de la biodiversité, qu'il y a des essences qui peuvent être. On a évoqué le boulon en pensant la nature, elle est quand même finalement là, elle nourrit aussi et les abeilles et les hommes. Ça veut dire qu'il y a plein d'essences, il y a une biodiversité possible et qui ne peut qu'être favorisée par l'activité qui pourrait aussi monter en puissance quoi finalement. Et aussi, il y a plein d'autres endroits où on a trouvé des ruches. Enfin, quand on faisait nos visites de sites, il y a plein de crassiers où on empruntait un petit chemin qu'on pourrait plus appeler de sente, chemin d'animaux, quoi, qui ne sont pas vraiment des chemins. Mmh. Et juste, nous, on suit une ligne dans la végétation et on arrive dans un cul-de-sac, au plein milieu de ronces, et il y a deux ruches qui sont posées à Roche-la-Molière. Et en fait, il y a plein de crassiers où on s'est rendu compte que ce qui était utilisé pour cette diversité... floristique qu'il peut y avoir pour le miel, quoi. L'imaginaire que cela nourrit aussi. Moi, je me souviens avoir vu un projet artistique, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais où en fait des artistes avaient envisagé d'installer des sortes de taupes géantes sur les crassiers, parce que ça aurait été le témoin de cette activité-là possible. Comme si, vous voyez l'idée. Ouais, moi je trouve ça qui a pas dû être accepté par moi, la ville. Ça vraiment nul parce que pourquoi? Parce qu'en fait ça prend pas en compte l'existant, le déjà là, le passé. C'est comme si... enfin ça c'est que les idées des artistes aussi. Ils adorent parfois genre ne pas prendre en compte les gens, l'imaginaire, le quartier, les habitants et genre poser une top sur un crassé. Qu'est-ce que ça veut dire à part faire un délire d'artiste d'art contemporain? Et en fait, c'est que ça. Enfin, du coup, nous, notre position avec Dino, c'était de ne pas se projeter sur des projets design, des projets esthétisants et tout, mais plutôt de prendre en compte le déjà-là, raconter ses histoires et ne pas essayer de contrôler. Donc vous sortez un peu des sentiers quand même, vous, dans votre démarche, malgré tout. On est plus attaché au rapport qu'entretiennent les gens avec ces espaces-là, et notamment les artistes. Enfin, on a eu écho d'artistes qui allaient... prendre un petit peu du sol des crassiers pour aller faire pour faire des tirages photos, enfin je sais pas, mais du coup c'est un... Certains ont utilisé des bouts de charbon pour faire effectivement du dessin, je pense à... On évoquait Dubbing tout à l'heure par exemple, qui a été utilisé en matière première pour faire des pochettes ou faire du... Ok. Ouais. En fait... après en même temps c'est marrant parce que les taupes ça parle un peu... Enfin je le rejoins un peu... Je m'excuse d'avance, au support que ça peut avoir être pour les messages militants, où là, la taupe, ils utilisent plus le crassé comme support. Mais après, il n'y a pas de message, c'est vraiment juste un support. Comme une toile blanche. Enfin, voilà. Mais alors que, je sais pas, il y a plein d'artistes habitants, je sais pas, qui ont juste un rapport à ces lieux-là, sans forcément avoir un attrait interventionniste. Ouais. C'est des choses qui sont plus de l'ordre du sensible, de l'éphémère peut-être. Et de l'invisible, en tout et cas, de pas forcément aussi, du visible. Oui. Du quotidien aussi. Enfin, ouais. Et du coup, d'extraire ces choses-là du quotidien et de dire, regardez comme c'est unique, je sais pas... Ouais. Très bien, pour avancer et laisser aussi un peu de parole au public présent, juste les prochaines étapes de ce projet, de ce travail en cours, voisins, voisines des Crassiers ou ce sentier des Crassiers, quelles sont un peu les échéances encore prochaines? Bah déjà, et enfin votre objectif final On aimerait bien continuer à animer le sentier, donc proposer des interventions à des personnes qui souhaiteraient prendre la parole, commenter leur espace de vie, les Crassiers. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent animer des balades commentées, elles peuvent nous contacter et faire une programmation comme ça de sortie. Et ensuite, faut savoir que pour l'instant, le sentier des Crassiers, ça représente que 55 km du côté de la Ricamari, Firmini, Roche-la-Molière jusqu'à Côte-Chaude. Mais la boucle n'est pas finie, le projet n'est pas fini. On va aussi aller chercher plutôt du côté de Villars, Montréno. Et après, de l'autre côté, en prenant appui sur la boucle verte existante, du côté de la Talaudière, de Saint-Jean-Bonnefond, Terre-Noire. Donc en fait, la boucle est loin d'être terminée. Il y a encore du travail. Mais ce qui n'empêche pas de déjà animer, d'organiser des balades, des rencontres, de réunir des gens. C'est presque du parcours sportif, j'allais dire. Ça s'inscrit un peu dans le programme des sentiers métropolitains. C'est quelque chose d'européen. Nous, à Saint-Étienne, on le voit plus comme un sentier périmétropolitain, parce que la banlieue de Saint-Étienne est presque déjà rurale. Mais et aussi, du coup, à terme, peut-être officialiser le sentier, le baliser, avoir la forme du balisage, si c'est un peu classique, pédagogique. Voilà, ou est-ce qu'on, je sais pas, on a un sticker, enfin, je sais pas, à voir. Et peut-être aussi un petit peu plus tard, ou même à ce même moment, essayer de réunir des gens, en fait, comme un comité, un parlement, une assemblée, je sais pas comment l'appeler, une association, pour pas qu'on soit juste deux à porter le projet, et qu'il y ait des forces de proposition, que ça soit et toujours dans un regard transdisciplinaire, habitant, universitaire, tout le monde, quoi. Et du coup, de vraiment créer un projet, en fait, que ça dure pas juste 2 ans, quoi. Enfin, l'idée, c'est quand même de créer quelque chose à Saint-Étienne. Et voilà. Merci, Adriano et Thomas. Et bravo, en tout cas, pour ce travail en cours. Bravo. Qui, on l'espère, va aboutir. Puis pour les plus vieux d'entre nous, la grande surface de la Béraudière, Carrefour, mais nous, on appelait ça Continent, Rallye, Géant, et en tout cas, les Crassiers perdurent, et les marques, par contre, se disparaissent, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas. En tout cas, merci. Pour continuer, moi, j'ai une petite question, en fait, j'ai un micro. Et puis, pensez à lever la main si vous avez des questions dans le public, on va vous apporter aussi la question des Crassiers qui sont propriétés privées. Est-ce que vous envisagez de rencontrer finalement les propriétaires pour savoir pourquoi on garde ces monticules là? En fait, comme le Crassier Saint-Pierre là, il est exploité parce qu'il est rentré en autocombustion, donc c'est le Crassier Saint-Pierre à la Ricamari, et donc vu qu'il a terminé son autocombustion, il est perçu de la part des personnes qui ont des carrières, enfin les concessions, comme une ressource disponible. Et donc c'est pour ça, je pense qu'ils achètent les Crassiers, c'est que c'est des potentielles ressources disponibles, donc de carrière. Et nous, notre position, ça serait de que les Crassiers ne disparaissent pas. Et donc que faire, je sais pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les considérer, donc que ça soit un sujet public, les Crassiers, et de rendre public aussi que les Crassiers n'appartiennent pas à la ville, mais appartiennent à des sociétés comme Arnaud Démolition qui profitent de la démolition pour en faire leur business. Et donc, potentiellement, le Crassier peut profiter à d'autres. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on irait à la rencontre de ces personnes-là, s'il y a un risque de disparition ou d'accaparement, je pense. Ouais. Encore faut-il le savoir aussi, que ce soit connu de tous. Ouais, c'est ça. Faut agir vite. Problème parfois. Ouais. Alors, il y avait une question ici. Bonjour. Ouais, bonjour, bravo. Enfin, j'étais passionnée par ce que vous racontiez. J'allais poser la même question, à savoir, effectivement, moi je trouve ça drôlement embêtant que ce soit privatisé. Et quand vous dites que ça va être utilisé après, par quoi ? Enfin, qu'est-ce qui peut intéresser une fois que la combustion, vous disiez que la combustion est déterminée ? Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait après des... Du remblai. Enfin, en fait, le crassier Saint-Pierre, oui, il a été utilisé comme du remblai. En fait, il creuse de l'intérieur parce que c'était jusqu'à 1300 degrés, je crois. Ouais. Donc, il y a même des formations d'orgue, pas basaltiques, mais de crassier, que Bernard Guy a documenté. C'est vraiment un truc spécial à Saint-Étienne. Mmh. Et comme un volcan. Et en fait, à partir de cette autocombustion, on a une roche très dure. Et donc, elle est concassée, elle est utilisée pour faire. Mais maintenant, c'est plus rentable, donc ça nous arrange. Donc on voit la coupe du crassier et on voit les orgues. Et nous, on aimerait que ça soit en fait une étude géologique que Bernard Guy pourrait prendre en compte et que ça soit, comme dans plusieurs espaces où il y a eu des carrières, on stoppe la carrière et on puisse observer une coupe pour étudier. Et sinon, ça a déjà été utilisé dans le passé pour recouvrir des vallées, combler des rivières. Même la route qui part de Michon, qui va jusqu'à Roche-la-Molière, en passant par Saint-Genès, la grosse route avec plein de ronds-points, là. Ben ça, c'est construit sur du crassier. Ouais. Enfin, en fait, une bonne partie de la matière de Michon a été utilisée pour faire des talus, et du coup, pour construire la route. Et je crois que c'est d'ailleurs pas très stable. La route elle a tendance à se déformer, de ce que j'ai cru comprendre. Du coup, ça a déjà été utilisé. Et par exemple, à Charleroi, là-bas, il y a eu des... Il y a eu des moments où des crassiers étaient menacés... de disparaître, d'être utilisé. Ouais. Il y a un comité qui s'est créé, donc les comités de défense des terrils, des anciens mineurs. Et il y a une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube, encore une contre-visite, avec Martine Piré, qui est une militante là-bas, qui est aussi paysagiste et urbaniste. Et en fait, ils ont lutté pendant une dizaine d'années pour empêcher qu'une carrière de crassier commence. Et donc, comment ils ont fait ? Ils ont fait un inventaire de la flore sur place. Ils ont rendu le sujet public, ils sont organisés et ils ont demandé donc à la municipalité de contrer ce projet, donc de classer le crassier. Et donc dans cette vidéo, ça montre un peu comment, en fait, on peut lutter que à plusieurs quoi dans ce cas-là. Oui, bon, donc de ce point de vue-là, je trouve que ce serait super si vous arrivez à mobiliser plus de gens. Vous disiez, on voudrait pas rester que deux. Alors, et ce serait bien. Et je me disais peut-être que le maire de la Ricamarie, vous l'avez rencontré ? Non. Non, serait peut-être plus enclin que notre maire à vous écouter, à vous entendre et peut-être à vous soutenir dans cette expérience. Je ne sais pas. C'est juste une suggestion. Ah. Et je voulais vous demander comment on peut vous joindre. Enfin, comment. Parce que je n'ai pas très bien compris votre titre, c'est quoi ? Enfin, c'est quoi votre assaut ? C'est Sentier des Crassiers et c'est le site internet sentierdescrassiers.fr. D'accord. Et en fait, donc, il y a la carte numérique, on peut télécharger, et on peut le faire le sentier soi-même. Et aussi, on peut nous contacter, il y a une adresse mail et tout. Donc, Sentier des Crassiers, ok, merci. .fr. Très bien. Oui, donc je pensais juste à la démarche politique, entre guillemets, mais peut-être qu'elle serait au-delà de communale et sectorielle. Finalement aussi peut-être intercommunal et peut-être. Ouais, carrément. Bah c'est un peu. Nous, on sait que c'est un projet sur le temps long en fait et que en fait il faut déjà rendre public cette question du crassier. Qu'il faut déjà que les gens puissent en parler d'eux-mêmes en fait, d'être fiers de ces crassiers en tant que monument et tout. Et comme ça après, bah s'il y a une menace potentielle plus tard, bah on s'organise en comité et on fait des alliances. Et donc, mais là le crassier Saint-Pierre, oui, ça peut être une piste de sauvegarde déjà, parce que là de toute façon il est plus rentable, donc ça peut être. Et aussi juste pour continuer là-dessus, pour l'instant on était plus proche des associations et des collectifs d'habitants. Le projet il est encore récent, il est encore en train d'être fabriqué, mais à terme on va rentrer en contact avec les institutions. Mais pour l'instant ouais, on est plus du côté association milieu culturel. Plutôt que musée, mairie. Mais la Ricamarie, en effet, c'est plus intéressant. Une question ici, bonsoir. Oui, bravo, merci pour tout le travail que vous faites. Je comprends très bien la démarche transdisciplinaire et le rapport que vous avez au crassier, sauf sur un point dans les explications que vous avez données, c'est... vous disiez que vous cherchiez à échapper à une logique de patrimonialisation. Et en même temps, dans le discours, j'ai l'impression que le but, c'est aussi de figer, parce qu'il y a cet aspect monument, mémoire, etc. Donc comment vous jonglez un peu entre ces deux registres qui semblent, a priori, contradictoires ? C'est vrai, et c'est souvent une question qu'on nous pose, même aussi de faire le Crasset d'un un atout touristique, que ça soit juste une balade touristique pour les... Mais en fait, nous, on est dans ce paradoxe, quoi, dans ce... et en fait, on doit l'habiter, on doit vraiment se confronter à ça. Et je pense, je dirais, c'est que on doit... Enfin, c'est dans les personnes qui nous entourent qui... où c'est important de pas travailler, par exemple. Enfin, on n'est pas là pour travailler avec l'office de tourisme. On se revendique comme un projet artistique qui s'implique dans la vie réelle, quoi. Et donc, l'idée, c'est de pas travailler avec des enjeux touristiques, mais plus avec les habitants. D'où l'enjeu d'animer le sentier, de faire des balades auto-guidées aussi, donc avec les habitants qui commentent leur espace et tout, et de pas se laisser reprendre par des politiques institutionnelles qui voudraient le rendre comme ça, comme atout touristique. Mais ouais, c'est un paradoxe, et en vrai, le patrimoine, il doit être confronté, il doit se remettre en question et tout, et donc c'est pour ça qu'on pense le Crasset aussi comme un espace indéterminé. On veut pas faire un circuit officiel de randonnée. C'est intéressant aussi qu'il soit enfriché, qu'il soit interdit, mais les gens y vont quand même et tout. Donc c'est des questions non résolues, quoi. Oui, et puis on se pose la question de à quel point le sentier est figé. Enfin, nous, on a tracé un trait sur une carte, mais en vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est plus un prétexte. Et faut s'imaginer aussi qu'il y a plein de moments où en fait on passe pendant 30 minutes dans des zones industrielles. Enfin, du coup, c'est le patrimoine à ce moment-là. Nous, on parle de quelque chose qui n'existe plus à cet endroit-là. Et du coup, et c'est vrai que je rejoins Thomas sur... je pense que ce qui est important, c'est aussi avec qui on s'entoure, qui va s'emparer du projet. S'il y a des gens qui s'emparent du projet, où est-ce que nous, on se place? Est-ce qu'on décide de dire « Ok, on est avec vous » ou est-ce que on ghost et on continue à faire les choses de notre côté? Du coup, c'est vrai que le sujet, il est un peu ambigu. À Charleroi, je sais... Enfin, par exemple, c'est un couple... d'anciens musiciens qui ont créé la boucle noire de Charleroi. Et ça fait plus de 10 ans maintenant. Et en fait, c'est devenu l'atout numéro 1 touristique de la ville de Charleroi. L'Office du tourisme, ils diffusent leur plan. Mais eux, ils ne travaillent pas avec la mairie, avec l'Office du tourisme. Ils restent entre habitants. Et ils font des projets entre eux, mais ils n'ont pas collaboré. Si, ou en tout cas, le partenariat... peut fonctionner, mais il faut trouver le juste équilibre. Et encore, je suis même pas sûr que le partenariat soit sur la table. Non, en fait l'Office de tourisme diffuse juste les cartes du sentier de randonnée, et c'est le seul lien qu'ils ont, en fait. Enfin... Eux, ils ont plus à cœur de travailler avec des centres culturels, mais pas avec... Ouais. Mais par exemple, Micheline et Francis Dufer, donc les créateurs de la boucle noire de Charleroi, qui sont des musiciens punk et tout, et en fait, eux, leur position par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est pas leur projet, quoi. Enfin, c'est pas genre une marque déposée et tout, et que c'est avant tout faire découvrir des espaces aux habitants, qu'ils puissent les commenter, qu'ils puissent être fiers de ce passé, être fiers des Crassiers. Et je pense que c'est un peu leur seul objectif, c'est de ce soit pas repris comme tourisme de la pauvreté ou tourisme de la misère. C'est vraiment comment être fier de ces montagnes de sueur. Oui. Ah ben le paradoxe dans tout ça, c'est que si on dit on veut pas de projet qui transforme ces lieux, que ce soit avec une sorte de vision artistique très personnelle ou un projet plus productiviste, extractiviste, etc. Et du coup d'être d'un point de vue, pourrait dire résistance populaire et inscrire ça dans la culture et désemparer que vous portiez pas que tous les deux. Et en même temps, c'est la mémoire d'industries hyper centralisées qui sont vraiment dans un objectif productiviste. Donc je ne dis pas ça pour dire qu'il faut poursuivre tout ça, bien évidemment, mais ça pose quand même des questions de... au-delà de vous en désemparer, vous, est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose autre que rester sur la mémoire, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est un sentier enquête et pas un sentier patrimonial. Et d'où l'idée aussi de rentrer en contact avec des collectifs en lutte qui luttent contre des nouveaux projets de carrière, notamment dans l'Allier, dans le 03, pour en fait dire non, il y a toujours des nouveaux Crassiers, les mines de lithium sont toujours là, toujours de l'exploitation et tout, c'est juste que nous ça s'est arrêté, les mines de charbon. Mais en fait, il faut vraiment pas être dans ce truc de passéiste et tout, enfin sur le passé, et c'était l'objectif de ce sentier aussi, c'est d'être connecté avec les nouvelles mines, quoi. Et dès le début, Thomas, il me disait « Non, mais je veux pas trop qu'on soit ancré dans le passé, puisque moi, je faisais mes petites recherches, cartes historiques et tout. » Mais là, le projet est vraiment récent, mais c'est vrai qu'à terme, on aimerait quand même que ça, la question principale soit le devenir de ces lieux-là. Poser la question de « Qu'est-ce que c'est ?» qu'est-ce que ça peut être pour la ville, pour des habitants, pour des voisins. Enfin, c'est plus, le projet, il porte plus sur l'avenir, en vrai, et sur l'observation du présent, certes, mais... Enfin, voilà. Oui. Oui, c'est tout l'enjeu, je pense, de la question mémorielle ou patrimoniale, en tout cas. C'est de ne pas rentrer dans quelque chose de muséifié, ouais. Figé, et voilà. Ouais. Au contraire, arriver à maintenir du vivant, justement. Enfin, ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait de manière autogérée, sans le musée de la mine, par exemple. Oui. Parce qu'on savait que le musée de la mine pouvait être contrôlant sur ce genre de projet, et donc, voilà. Une question ici. Oui, moi, c'était... Donc, je crois que c'est toi, Thomas, qui a dit... un passé dont on peut être fier, quoi. Je pense que c'est ça le problème. Après, bon, la problématique, patrimoine, pas patrimoine, tout ça, il faut laisser ça à ceux qui aiment ce genre de discussion, si tu veux. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est que pas avoir honte d'avoir ça comme passé. Ouais, quoi. C'est clair. Parce que la ville, c'est là-dessus qu'elle s'est construite. Et moi, si tu veux, j'ai... C'est un vrai problème, ça, Saint-Étienne, car même j'ai lu les deux livres qui ont été écrits par deux maires à Saint-Étienne, celui de Michel Thiolière et celui de Maurice Vincent. Dans les deux bouquins, j'ai ressenti l'idée que une fois que l'industrie a eu disparu, une fois qu'il n'y a eu plus d'ouvriers... dans Saint-Étienne, là, quand même, ça y est, la ville, elle pouvait décoller, quoi. Elle marchait plus avec des semelles de plomb. On pouvait envisager un avenir de ville créative, on va tout un tas de choses comme ça. Donc c'est très, très profond, si tu veux, parce que... enfin, bon, Vincent, la gauche, c'est un peu ça, on peut discuter quand même. Ouais. Deux municipalités qui prétendent ne pas avoir eu le même rapport à la ville et au travail... leurs représentants ultimes, le maire, ont exactement la même analyse du passé, quoi. Hein, c'est-à-dire, tant qu'il y a eu de la ville noire, machin, etc., et tout, on pouvait finalement rien faire, quoi. Ouais, c'est une ville stigmatisée, la ville noire, et comme à Charleroi aussi, on avait beaucoup de points en commun, on les invitait à Saint-Étienne pour raconter leur projet. Et en fait, on a eu tellement de points en commun, c'est-à-dire toujours la stigmatisation constante, être dans l'ombre d'une grande ville, etc. Mais ce que tu as dit sur la continuité, être fier de son passé, dans la recherche des messages sur les crassiers, en 1948, pendant la grève des mineurs, il y a eu un premier message dans les archives où ils mettent un drapeau français pour annoncer la grève des mineurs. Et dans notre collecte, c'est un peu dans cette continuité dont on s'insère, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui les Stéphanois accrochent encore des messages, parce qu'ils sont fiers. Des luttes syndicales, des mouvements ouvriers qui sont passés, et que pour nous, en fait, on ne peut pas dissocier les Free Gaza, par exemple, accrochés sur le crassier, et toutes les luttes qui sont passées avant. Et en fait, c'est une sorte d'association comme ça qui se crée, et ça, ça nous intéresse. Oui, parce que l'ambiguïté dont vous parlez aussi, je pense que tout dépend d'où on parle aussi. Parce qu'effectivement, je pense de ce Saint-Étienne populaire, justement, la fierté est là. Et c'est pas pour rien qu'effectivement ces messages militants s'affichent en haut du crassier, parce que la fierté de ce passé est bel et bien présente. En tout cas, bon, vaste débat, vaste question. Est-ce qu'il y aurait vraiment une toute dernière envie d'intervenir, poser question ou non ? Non ? Alors on va clore là ce débat. Merci beaucoup. Merci. Adriano Merci beaucoup. Et Merci. Thomas. On vous souhaite bonne continuation. Tenez-nous informés de la suite de ce projet avec grand plaisir de suivre votre aventure.